Chapitre 23e. Le baron avait éprouvé plus d'une déception dans sa vie, mais jamais il n'avait échoué plus complètement. Il fut si bien abasourdi qu'en descendant l'escalier de l'opéra, il se demandait s'il ne rêvait point. Est-ce que vraiment la marquise de Lucilière était chez madame de Courcy? Est-ce que vraiment le marquis avait cru que cette lettre était une manœuvre de ses concurrents pour le fâcher avec le colonel et rompre ainsi leur association? À ce moment, un cocher qui passait fit un signe au baron pour se mettre à sa disposition. S'il allait voir lui-même où était madame de Lucilière. Il monta dans la voiture qui s'était arrêtée et dit au cocher de le conduire rue de Valois. Il n'était que 11 heures et quelques minutes. Si madame de Lucilière, au lieu d'aller chez madame de Courcy, avait été chez le colonel, elle devait être encore avec celui-ci. En arrivant devant la petite porte, il fit arrêter la voiture, mais au moment de descendre, il changea d'avis et dit au cocher de le conduire un peu plus loin, devant la grande porte d'une maison, et de stationner là. La rue était complètement déserte, et si on le voyait se promener devant la petite porte du jardin du colonel, cela pourrait donner des soupçons au cocher de la marquise. D'un autre côté, la marquise pourrait l'apercevoir et le reconnaître lorsqu'elle montrait dans son coupé. Il valait donc mieux qu'il restât enfermé dans sa voiture, les yeux fixés sur la petite porte. Comme cela, il n'attirerait pas l'attention. Il était tout naturel qu'une voiture stationnât à 7 heures devant une maison, attendant quelqu'un. Le baron était doué d'une patience admirable. Il pouvait et il savait attendre des heures, des journées entières, sans ennui comme sans irritation. Il se tenait les yeux attachés sur la porte du jardin et il pensait à son entretien avec le marquis. 2 ou 3 voitures lui donnèrent des alertes en arrivant rapidement dans la rue, mais elles ne s'arrêtèrent point. Cependant, l'heure marchait toujours. Minuit avait sonné, puis le quart, puis la demi, et la petite porte restait close, faiblement éclairée par la lumière vacillante d'un bec de gaz placé en face, mais de l'autre côté de la rue. Il régnait un silence absolu dans le quartier, troublé seulement de temps en temps par le roulement sourd d'une voiture qui passait au loin. Dans la rue même, aucun bruit, point de passants attardés rentrant chez eux, point de voiture. Enfin, un roulement rapide se fit entendre, accompagné du trot de 2 chevaux sur le pavé. Cette voiture venait sur le baron. Bientôt, il aperçut 2 lanternes poindre dans l'ombre, elles grandirent. La voiture arrivait, c'était un coupé sombre, celui de madame de Lucilière. Il s'arrêta brusquement devant le mur du jardin du colonel. En même temps, la petite porte s'ouvrit sans bruit. Une ombre encapuchonnée traversa rapidement le trottoir et sauta dans le coupé qui repartit aussitôt. Cela se fit si vivement que quelqu'un qui n'aurait pas été prévenu aurait pu s'imaginer que c'était une vision fantastique qui venait de passer devant ses yeux. Cette femme ne touchait pas la terre. Ses chevaux noirs, légers comme le vent, ne s'étaient pas arrêtés. Cette voiture était une ombre. C'était la flamme vacillante du gaz qui avait fait croire que cette petite porte s'ouvrait. En réalité, elle était restée fermée. Mais le baron savait à quoi s'en tenir. D'ailleurs, il n'était pas homme à se laisser prendre à des visions fantastiques. Bon pour les enfants, le fantastique, le soir, la veillée au coin du feu, mauvais dans la vie réelle en plein Paris. Évidemment, le moyen qu'il avait employé avec M. de Lucilière était détestable. Ce n'était point offrir au marquis la possibilité de découvrir qu'il était trompé qu'il aurait fallu. Ça aurait été la tromperie elle-même, qu'on aurait dû lui mettre devant les yeux, et de telle sorte qu'il lui fût impossible de les fermer. Au lieu de cette lettre, pour laquelle il avait trouvé une explication telle quelle, il aurait beaucoup mieux valu le prendre par la main, et sous un prétexte quelconque l'amener devant cette petite porte, au moment où elle livrait passage à la marquise. Mais en engageant la lutte de cette façon contre la marquise, ne serait-on pas fâché avec le colonel? Ces considérations furent la consolation du baron qui s'endormit moins mécontent de lui qu'il ne l'était en sortant de l'opéra. D'ailleurs, tout n'était pas perdu d'une façon irrémédiable. Il fallait voir maintenant si la lettre adressée au prince Mazzazzoli ne produirait pas quelque effet. Car bien certainement, celui-ci ne garderait pas le silence sur cette lettre. Peut-être ne la communiquerait-il pas au marquis, et cela était assez probable étant donné la prudence italienne. Mais à coup sûr, il en parlerait à d'autres. Quel effet cette accusation divulguée et propagée par les amis ou par les ennemis de la marquise produirait-elle sur le marquis lorsque cette clameur l'envelopperait? Il faudrait suivre cette pression de l'opinion du monde. Au besoin même, on pourrait la développer en adressant quelques nouvelles lettres à ceux qui seraient en position de s'en servir utilement. L'écrivain public du faubourg Saint-Denis était toujours dans son échoppe. Quant aux ennemis de la marquise, elle ne manquait pas. En attendant que cette clameur s'élevât, le baron Lazarus voulait savoir ce que le prince Mazzazzoli pensait de la lettre qu'il avait reçue. Le lendemain matin, il se rendit donc au rond-point des Champs-Élysées. Mais la vieille Marietta ne voulut pas le recevoir, car le prince n'était pas encore levé, et à aucun prix elle n'eût consenti à réveiller son maître. Convaincue que la Providence lui devait un dédommagement pour ses malheurs passés, et qu'il finirait par avoir son jour, le prince Mazzazzoli vivait dans l'attente de ce jour. Aussi se ménageait-il en conséquence. Il fallait qu'à ce moment il fût non seulement vivant, mais encore en bonne santé, en état de jouir pleinement de la bonne chance qui lui arriverait. De là, tout un système de précautions méticuleuses qu'il prenait en vue de se ménager. Ainsi, il ne donnait jamais moins de 10 heures au sommeil, et la maison voisine eut brûlé qu'il ne se fût pas levé avant que ses cheveux eussent commencé à roussir. Sorti de son lit, il se livrait à toutes sortes d'opérations hydrothérapiques. Puis il passait une nouvelle couche de teinture sur ses cheveux et sur sa barbe. Enfin, il déjeunait d'une simple tasse de chocolat à l'eau, dans laquelle il trempait un petit pain d'un sou. Son seul repas solide était le dîner, qu'il ne prenait jamais chez lui. C'était seulement, après tous ses soins, qui le menaient assez avant dans la journée, qu'il recevait ceux qui avaient affaire à lui. Car on comprend, de reste, qu'il ne pouvait pas se laisser voir pendant qu'il se teignait, pas plus que pendant qu'il déjeunait de son petit pain, misérablement, en faisant les morceaux menus pour qu'il durasse plus longtemps. Le baron s'étant présenté trop matin, dut revenir 3 heures plus tard. Le prince, étant alors complètement séché et ayant déjeuné, le reçut avec toutes les démonstrations d'affabilité qui lui étaient habituelles. Mais le baron avait pris une figure grave qui ne se laissa pas dérider. « Mon cher prince, dit-il, je viens vous soumettre un cas délicat, pour lequel j'ai besoin de vos lumières et de vos conseils. Parlez, mon cher baron. Je suis à vous corps et âme, prêt à passer à travers le feu et l'eau pour vous obliger. » Bien qu'il fût toujours disposé à passer à travers les flammes et les vagues pour obliger ses amis, le prince, il faut le dire, ne s'était jamais mouillé qu'avec son appareil hydrothérapique, de même qu'il ne s'était jamais roussi qu'avec son fer à friser. « J'ai acquis, dit le baron, une certaine réputation d'habileté en affaires. Et je suis trop ami de la sincérité pour ne pas avouer que, dans une certaine mesure, cette réputation est méritée. Si je ne suis pas très habile quand il s'agit de chiffres, au moins je ne suis pas trop maladroit. Mais sortez-moi des affaires, je ne suis plus qu'un personnage lourd et embarrassé. Vous êtes trop modeste, mon cher baron, trop modeste en vérité. Non, je me connais, et c'est vraiment ce qui en est. Voyez-vous, je ne suis qu'un Allemand. Et pour toutes les relations du monde, pour ce qu'on peut appeler la diplomatie des salons, nous autres Allemands, nous avons la main lourde, tandis que vous autres, Italiens, vous l'avez d'une légèreté admirable. Il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. Vous avez vos qualités comme nous avons les nôtres, et l'une d'elles, précisément, est pour nous de ne nous flatter jamais de folles illusions. Bien différent cela de ces pauvres diables de Français, si ridicules avec leur infatuation. C'est à cette légèreté de main que je viens de faire appel dans des circonstances qui, je l'ai déjà dit, sont graves, très graves. Je vous écoute, mon cher ami. Peut-être prévoyez-vous ce qui m'amène, ou tout au moins une des choses qui m'amène, car il n'est pas du tout impossible que vous soyez dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous vous trouviez en ce moment dans le cas où j'étais hier, et où malheureusement je ne suis plus. Bien que ce langage fût peu compréhensible, il avait cependant été parfaitement compris par le prince, mais celui-ci ne jugea pas à propos de l'avouer. « Voulez-vous me permettre de vous faire observer, dit-il, que ces paroles sont un peu obscures, du moins pour moi. Oh, je vais vous les expliquer. Et mon intention n'est pas de rien embrouiller ou de rien dissimuler. On dit que c'est un système que les catholiques emploient souvent avec leurs confesseurs, mais je ne suis pas catholique. Tous les catholiques ne sont pas des menteurs, je vous assure. Voyez, s'écria le baron, mais voyez donc comme je suis maladroit. J'ai besoin de vous et je commence par vous blesser dans votre foi religieuse. Oh, blessé. Non, blessé, car vous êtes l'indulgence en personne, mais j'aurais pu blesser tout autre que vous. Cela ne justifie-t-il pas ce que je vous disais tout à l'heure de mon peu de tact? Enfin, je reviens à ce qui m'amène près de vous. Hier, dans l'après-midi, j'ai reçu une lettre abominable qui m'a jeté dans la consternation et l'indignation. Une lettre me concernant. Oh, non pas de vous, mais notre ami le marquis de Lucilière, ou plus justement la marquise. Et de qui était cette lettre? De personne. C'était une lettre anonyme, écrite d'une écriture qui m'était inconnue, et portant le timbre du bureau de la rue du cardinal Lemoine. Cette lettre vous avertissait que la marquise de Lucilière voyait le colonel Chamberlain, son amant, chez lui, en pénétrant par une petite porte. Comment? J'ai reçu la même lettre. Anonyme, anonyme. Mais alors je ne me trompais pas tout à l'heure, en prévoyant que vous pouviez vous trouver dans le même cas que moi. C'est à cette lettre que je faisais allusion. Et je ne vous ai pas compris. Car comment penser que cette lettre abominable, comme vous dites, avait pu être envoyée en plusieurs exemplaires et que vous en aviez reçu un? « Voici le mien, » dit le baron, tirant la lettre de sa poche. « Et voici le mien, » dit le prince, en allant prendre une lettre dans un tiroir fermé à clé. « Voulez-vous me la montrer ?» demanda le baron en tendant la main. « Volontiers. » Alors le baron prit la lettre et la lut lentement, en comparant le texte avec celui de son exemplaire, puis ensuite il compara non moins lentement les deux écritures. « C'est bien la même écriture, » dit-il, « le même papier, le même timbre de la poste. C'est donc la même personne qui a envoyé ces deux lettres et qui, par conséquent, a dû en envoyer bien d'autres. Mais quelle peut être la personne, assurément de notre monde, capable d'une pareille infamie? Je vous le demande, dit le prince avec une simplicité bien enjouée. Et moi, je me le demande depuis hier, sans être arrivé à une réponse satisfaisante. J'ai bien des soupçons, mais tellement vagues, que je n'oserais prononcer un nom. Mais plût à Dieu que je m'en fusse tenu là, c'est-à-dire à rechercher qui pouvait être coupable de cette lâcheté. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Voulez-vous me permettre une question? Volontiers. Après avoir lu cette lettre, qu'avez-vous pensé? Je me suis rappelé ce que vous me disiez le jour même où le colonel nous a donné une fête dans son hôtel. Vous souvenez-vous? Mon Dieu, non, pas du tout. Eh bien, regardant la marquise et le colonel, vous vous êtes demandé si cette intimité durerait longtemps, et s'il ne se trouverait pas quelqu'un d'assez pervers dans ce Paris si méchant, pour ouvrir les yeux à ce mari aveugle, au cas où il ne les ouvrirait pas de lui-même. Ah oui, je me souviens maintenant. Et je me suis dit que vous étiez doué d'une terrible clairvoyance. En vous posant ma question, ce n'était pas de cela que je voulais vous parler. Et de quoi vouliez-vous parler? Je voulais vous demander ce que vous aviez fait de cette lettre, après l'avoir lue, ou tout au moins, ce que vous aviez pensé devoir faire. Mon Dieu, je n'ai rien fait. J'ai plié cette lettre et je l'ai serrée soigneusement dans ce tiroir dont j'ai pris la clé dans ma poche. Ah, que n'ai-je fait comme vous? Dans l'indignation que me causait l'accusation. Car hélas, elle n'était qu'une confirmation de nos soupçons, les vôtres comme les miens. Comme ceux de tout le monde. Parfaitement, comme ceux de tout le monde. Dans l'indignation que me causait ce procédé infâme, il m'a semblé que je devais communiquer cette lettre au marquis. « Vous avez fait cela ? » s'écria le prince. « Je l'ai fait. » Sans réfléchir, sous le coup de la colère, j'ai mis la lettre dans ma poche et je suis allé à l'opéra, où je savais trouver le marquis. Je suis monté dans sa loge quand la marquise a été partie et tout simplement, tout naïvement, en ami. Car j'ai, vous le savez, la plus vive amitié pour ce cher marquis. Je lui ai mis cette lettre sous les yeux. Et le marquis, eh bien, il y a vraiment des grâces d'État. On m'eût remis cette lettre. J'aurais aussitôt couru chez le colonel. J'aurais enfoncé les portes et j'aurais tué ma femme et son amant. Mais je ne suis qu'un barbare. Le marquis, qui est un homme civilisé, très civilisé, a pris les choses autrement. Il a lu cette lettre froidement, posément, plus posément que je ne l'avais lue moi-même, et me la rendant, il me dit qu'il savait qu'il avait écrite. Ah, il sait qu'il a écrite? C'est un de ses rivaux. Et cette lettre, selon lui, n'a d'autre but que de le fâcher avec le colonel, de manière à rompre leur association qui devient trop formidable et qui est une cause de ruine pour ses concurrents. Ah, vraiment? C'est là son explication, sa croyance, je veux dire. Quant à la marquise, il est parfaitement sûr de son innocence et à l'heure où on l'accuse d'être chez le colonel, elle est tout simplement chez sa mère, Madame de Corcy. Ainsi, cette accusation était fausse, il paraît. En tout cas, le marquis la juge fausse. Vous aviez tout à l'heure indiqué une nuance capitale en disant que telle était son explication. Ah, Vous savez, je parle assez mal le français, et il ne faut pas voir des finesses là où bien souvent il n'y a que des fautes. Quoi qu'il en soit, voilà exactement comment les choses se sont passées. Et maintenant, ce que je veux vous demander, c'est la conduite que vous tiendriez avec le marquis si vous étiez à ma place, et si vous aviez commis la grosse sottise que je me reproche. Comment ? Quelle conduite ? Oui, continueriez-vous de le voir, ou bien rompriez-vous toutes les relations ? Pourquoi rompre vos relations ? Parce que je serai désormais très mal à mon aise avec lui. Et lui, comment a-t-il été avec vous après cette confidence ? Mais comme à l'ordinaire. Il ne s'est pas fâché de votre démarche ? Pas le moins du monde fâché. Eh bien alors, vous vous fâcheriez, vous, de ce qu'il ne se fâche pas, lui ? J'avoue que je ne comprends pas. Il est de fait. Qu'avez-vous voulu ? Rendant service au marquis, n'est-ce pas ? Assurément. C'est ainsi qu'il a interprété votre démarche. Vous croyez ? Cela me paraît certain. Ah, mon cher prince, vos paroles m'ôtent un poids bien lourd dessus la poitrine. Et le baron se répandit en remerciements. Le prince le laissa aller. Puis, quand le premier élan de cette reconnaissance fut calmé, « Voulez-vous me permettre une question à mon tour ? » dit-il. « Comment donc ? » ?»« Eh bien, la voici. Pensez-vous, comme le marquis, que le but de cette lettre était de fâcher le marquis et le colonel ? Ma foi, très franchement, je n'en sais rien. Eh bien, moi, je crois qu'elle voulait surtout amener une rupture entre le colonel et la marquise. Seulement, elle a été maladroite. Dans ce cas, ce qu'il fallait, ce n'était pas prouver au mari que sa femme le trompait. C'était prouver à l'amant qu'il était trompé par sa maîtresse. Le baron réfléchit un moment comme s'il ne comprenait pas. Puis tout à coup, se mettant à rire, « C'est très italien ce que vous me dites là. » « Et parisien aussi, vous le voyez ?»